Chapitre 26. Les oubliettes. Étendue sur un tapis qui sentait la moisissure, Ophélie réfléchissait. Du moins, elle essayait de réfléchir. Elle avait une vision déformée de la pièce où elle se trouvait. Ses lunettes s'étaient tordues sur son nez et elle ne pouvait les remettre convenablement en place puisqu'on lui avait menotté les poignets derrière le dos. La seule source de lumière venait de l'imposte d'une porte et faisait jaillir de l'ombre d'étranges silhouettes, des chaises cassées, des tableaux déchirés, des animaux empaillés, des horloges arrêtées. Il y avait même une roue de bicyclette, toute seule, dans son coin. C'était donc cela, les oubliettes du clair de lune, un vieux débarras. Ophélie fit une tentative pour se mettre debout et renonça aussitôt. Ses menottes lui faisaient mal. Bouger lui faisait mal. Respirer lui faisait mal. Elle avait probablement une côte fêlée. Ses gendarmes n'y étaient pas allés de main morte. Ils avaient poussé le scrupule jusqu'à lui confisquer les trois sabliers bleus que la mère Hildegarde lui avait donnés. Toutes ses pensées allèrent à la tante Roseline qui devait mourir d'inquiétude, étorne. Était-il informé de ce qui se passait? Ophélie n'avait pas reçu la moindre visite depuis qu'on l'avait jetée sur ce tapis quelques heures plus tôt. De sa vie, elle avait rarement trouvé le temps aussi long. Que serait-elle censée faire lorsqu'on viendrait la chercher? Tenir son rôle jusqu'au bout pour ne pas dévoiler l'imposture de mime? Désobéir à Thorne et s'exprimer à voix haute pour plaider sa cause? Sa seule défense reposait sur sa lecture du panier empoisonné. Pourquoi la croirait-on sur parole? Elle avait déjà du mal à y croire elle-même. Et puis, Ophélie se sentait en partie coupable de ce dont on l'accusait. Si la mère Hildegarde était morte, c'était à cause de sa naïveté. Elle souffla sur une mèche de cheveux qui lui collait aux lunettes. Elle ne la voyait pas à cause du camouflage efficace de sa livrée, mais la sensation la gênait. Elle se raidit quand elle perçut un mouvement dans l'ombre, tout près d'elle, à même le sol. Puis elle comprit qu'il s'agissait du reflet de mime. Il y avait un miroir, juste là, appuyé contre un empilement de meubles. L'idée de s'enfuir lui traversa l'esprit, mais elle déchanta aussitôt. À bien y regarder, ce miroir-là était cassé. Ophélie leva la tête vers la porte, le cœur battant. Quelqu'un faisait tourner une clé dans la serrure. Une silhouette en perruquée ronde comme un tonneau se découpa dans la lumière du couloir. C'était Gustave, le majordome en chef du clair de lune. Il referma la porte derrière lui, un bougeoir à la main, puis il s'avança dans le débarras jusqu'à ce qu'Ophélie pût mieux le distinguer. La lumière de la flamme faisait ressortir sa peau farineuse et ses lèvres rouges, transformant son gros visage souriant en grotesque masque de comédie. « Je pensais vous trouver plus abîmé, » roucoula-t-il d'une voix fluette. « Nos petits gendarmes ne sont pourtant pas réputés pour leur délicatesse. » Ophélie avait du sang collé dans les cheveux et une paupière si tuméfiée qu'elle peinait à l'ouvrir, mais ce majordome ne pouvait pas le deviner. L'illusion de la livrée dissimulait tout cela sous le visage immuable de mime. Gustave se pencha sur elle avec un petit tss tss condescendant. « On dirait bien que vous vous êtes fait manipuler, hein ? Assassiné de façon aussi grossière, en plein territoire diplomatique, au beau milieu d'une cérémonie funèbre. Personne, pas même vous, n'est aussi stupide. Hélas, à moins d'un miracle, je ne vois pas ce qui pourrait sauver votre insignifiante petite personne. Madame Hildegarde n'était pas en odeur de sainteté, je vous le concède, mais on ne tue pas au clair de lune. C'est la règle. » Gênée par ses menottes, Ophélie écarquilla son œil valide. Depuis quand ce gros majordome se souciait-il de son sort? Il se pencha davantage et son sourire s'accentua. À l'heure où je vous parle, Madame Bérénilde est en train de défendre votre cause auprès de monsieur comme si son propre honneur était en jeu. Elle y met une telle ferveur que personne n'est dupe. J'ignore ce que vous lui faites dans l'intimité, mais elle s'est sacrément entichée de vous, hein? Et je dois admettre que cela vous rend particulièrement précieux à mes yeux. Ophélie l'écoutait comme dans un rêve. Cette scène était irréelle. Je crois que Madame Bérénilde pourrait même finir par convaincre monsieur de vous offrir un jugement équitable. Poursuivit Gustave avec un gloussement amusé. Malheureusement, le temps joue contre vous. Hein? Nos chers gendarmes sont trop zélés. J'ai entendu dire qu'ils allaient prochainement vous mettre la corde au cou, sans enquête, sans procès, sans témoin. Il sera un peu tard quand votre maîtresse en sera avertie. » Ophélie sentit son corps se couvrir de sueur froide. Elle commençait vraiment à avoir peur. Si elle révélait sa véritable identité, serait-on plus clément avec elle ou aggraverait-elle la situation? Ne risquait-elle pas d'entraîner Bérénilde dans sa chute? Le gros Gustave se redressa, essoufflé de s'être trop penché. Il se chercha une chaise qui possédait ses quatre pieds, l'installa près du tapis d'Ophélie et s'assit dessus. Le bois grinça dangereusement sous son poids. « Voulez-vous conclure à marcher avec moi, jeune homme ?» Trop mal en point pour se redresser, Ophélie ne voyait plus de Gustave qu'une paire de souliers vernis et de bas blancs. Elle lui fit signe qu'elle l'écoutait d'un battement de paupières. « Il est dans mon pouvoir de vous sauver des gendarmes, » reprit la petite voix aiguë de Gustave. « Je vous donne ma parole, que personne ne viendra vous importuner, jusqu'à ce que monsieur prenne sa décision. C'est votre seule chance de salut. Hein ?» Il s'esclaffa, à croire vraiment que la situation était hilarante. « Si monsieur décide de vous donner votre chance, et si par miracle vous en réchappez, alors vous me devrez une petite faveur. » Ophélie attendit la suite, mais Gustave ne dit plus rien. Elle comprit qu'il écrivait quand elle entendit un léger grattement. Il s'inclina jusqu'à lui coller son message contre le nez, bougeoir à l'appui. « Bérénilde doit avoir perdu son bébé avant le soir de l'opéra. » Pour la première fois de sa vie, Ophélie sut ce que haïr voulait dire. Cet homme lui répugnait. Il brûla le message à la flamme de la bougie. « Puisque vous êtes si intime avec madame, ça devrait être dans vos cordes, hein ? Pas dans Tourloupe ?» la prévint-il d'un ton mielleux. La personne qui me mandate est puissante. Envisagez seulement de me trahir, échouer dans cette tâche, et votre misérable existence prendra aussitôt fin. Hein ? Gustave s'en fut de son petit pas pressé sans même attendre un signe d'assentiment. Après tout, ce n'était pas comme si Mime était en position de refuser son offre. Il referma la porte dans un cliquetis de clé et Ophélie se retrouva seule sur son tapis poussiéreux, recroquevillée dans le noir. Un sursis, c'est tout ce qu'elle venait d'obtenir. Ophélie lutta longtemps contre l'angoisse et la souffrance avant de sombrer dans un sommeil sans rêve. Le cliquetis de la porte l'attira de sa torpeur quelques heures plus tard. Trois gendarmes en bicorne noire entrèrent dans le débarras. Ophélie faillit pousser un gémissement de douleur quand ils la saisirent sous les aisselles pour la mettre debout. « Duner, tu es convoqué au cabinet de l'ambassadeur. » Soutenue d'une poigne ferme, Ophélie trébucha, hors du débarras. Elle cligna des yeux, éblouie par la lumière du couloir. Il semblait s'étendre à l'infini, ponctué d'innombrables portes qui ouvraient sur d'autres débarras. Ophélie savait qu'au-delà de ce couloir, il n'y avait rien. Renard lui avait parlé des oubliettes. C'était un immense espace clos, sans escalier, sans ascenseur, sans fenêtre, sans aucune possibilité de sortie. Seuls les gendarmes y allaient et venaient à leur guise. L'un d'eux récupéra un sablier blanc dans une petite niche située près de la cellule d'Ophélie. Le sable qu'il contenait s'écoulait au ralenti, un grain après l'autre. Chaque domestique jeté aux oubliettes était lié à un sablier comme celui-ci. Sa détention prenait fin dès qu'il était vide. Quand on savait que certains sabliers étaient étudiés pour se retourner automatiquement dans un mouvement perpétuel, ça donnait froid dans le dos. Le gendarme brisa le sablier d'Ophélie par terre. Elle n'eut pas le temps de battre des cils qu'elle se retrouva dans la chapelle du clair de lune, à l'endroit précis où on l'avait arrêté. « Un sablier écoulé ramène toujours à la case départ », lui avait expliqué Renard. C'était la première fois qu'elle en faisait l'expérience. D'autres gendarmes étaient déjà sur place pour l'empoigner par les épaules et lui demander de les suivre. Leurs ordres se répercutaient en écho contre le dallage en damier, les grands vitraux et les statues de pierre. Il n'y avait plus qu'eux dans la chapelle. Ophélie n'arrivait pas à croire qu'une cérémonie funèbre s'était déroulée ici ce matin même, ou alors était-ce hier. Elle fut conduite de raccourci en raccourci, de rose des vents en rose des vents, pour traverser le domaine du clair de lune. Elle mettait péniblement un pied devant l'autre. Chaque respiration lui déchirait les côtes. La tête creuse, elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle devait faire pour les sortir de cette soupière. Bérénilde, Roselyne et elle. Parler ou se taire? Ophélie se sentait tellement seule avec ses incertitudes qu'elle se surprit à souhaiter que Thorn fût là pour les tirer d'affaire. Elle ne tenait presque plus sur ses jambes quand les gendarmes la poussèrent dans le cabinet privé de l'ambassadeur. Ce qui attendait Ophélie à l'intérieur, elle ne s'y était pas préparée. Archibald et Bérénilde prenaient tranquillement le thé. Assis dans des fauteuils confortables, ils devisaient d'un ton léger, tandis qu'une petite fille rondelette leur jouait un peu de piano. Ils ne paraissaient pas même avoir remarqué la présence de Mime. Seule la tante Roselyne, qui servait le thé, se mit à trembler nerveusement. Son teint jaune était devenu très pâle, pâle de rage contre le monde entier, pâle d'inquiétude pour sa nièce. Ophélie aurait voulu se précipiter dans ses bras. Elle seule lui donnait l'impression d'avoir un visage humain au milieu de toute cette indifférence. « Mes sœurs ne vous épuisent pas trop ?» demanda Archibald avec un intérêt poli. « Je ne suis pas certain que toutes ces répétitions soient nécessaires. Elles sont simplement désireuses de faire bonne impression à notre Seigneur, » répondit Bérénilde. « Cet opéra sera leur première apparition officielle là-haut, à la cour. » « Ce sera surtout votre grand retour, ma chère. Si Farouk vous revoit, nul doute qu'il voudra aussitôt vous arracher du clair de lune. Vous n'avez jamais été aussi belle. » Bérénilde accueillit le compliment d'un battement de paupières étudié, mais son sourire était un peu raide. « Je n'en suis pas aussi convaincue que vous, Archie. Vous savez combien les petites affaires féminines l'indisposent. » expliqua-t-elle en posant une main sur son ventre. « Tant que je suis dans cet état, il refusera de me recevoir. C'était le prix à payer. Je le savais dès le début. » Ophélie avait la tête qui tournait. Tout cela était tellement loin de ce qu'elle vivait en ce moment. Une femme était morte, une autre allait être jugée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, et eux sirotaient leur thé en parlant peine de cœur. Tapis dans un coin du cabinet, un homme toussa contre son poing pour attirer leur attention. C'était Papier-Mâché, le régisseur. Il était si étroit, si grisâtre, si guindé qu'il en devenait invisible quand il restait silencieux. « Madame, monsieur, le prévenu est arrivé. » Ophélie ne savait pas si elle était supposée s'incliner ou non. Elle avait si mal aux côtes que le simple fait de se tenir debout était un supplice. Elle dévisagea éperdument Bérénilde, lui demandant des yeux ce qu'elle devait faire, mais sa protectrice lui accorda à peine un regard. Elle se contenta de reposer sa tasse sur sa soucoupe et d'attendre. La tante Roselyne, elle, paraissait lutter contre l'envie de briser sa théière en porcelaine sur la tête de quelqu'un. Quant à Archibald, il s'éventait avec son haute forme d'un air ennuyé. « Qu'on en finisse. Nous vous écoutons, Philibert. » Papier-Mâché chaussa une paire de besicles, ouvrit une enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait d'un ton monocorde. Je, sous-signé Madame Meredith Hildegarde, déclare sur l'honneur assumer l'entière responsabilité des événements survenus au cours de la cérémonie funèbre de feu Madame Frida. J'ai fait la commande d'un panier d'orange pour la circonstance, mais ni son contenu ni son livreur ne sont en faute. Mon malaise a été provoqué par une violente allergie à une morsure d'araignée. En espérant avoir dissipé tout malentendu, je vous prie d'agréer, monsieur l'ambassadeur. » Etc., etc., le coupa Archibald en secouant la main. « Merci, Philibert. » Pinçant les lèvres, le régisseur replia la lettre et rangea ses besicles. Ophélie n'en croyait pas ses oreilles. C'était une histoire à dormir debout. « L'incident est donc clos, » déclara Archibald, sans un regard pour Ophélie. « Veuillez accepter mes plus plates excuses, cher ami. » Il s'était adressé directement à Bérénilde, comme si la seule personne à avoir été offensée était la maîtresse et non le valet. Ophélie avait l'impression de ne pas exister. « Ce n'était qu'un regrettable malentendu, » susurra Bérénilde en faisant signe à la tante Roselyne de leur resservir du thé. « Pauvre Madame Hildegarde, ces araignées sont une véritable plaie. On ne les voit pas à cause des illusions, mais elles grouillent de partout. Enfin, quelques jours au lit, il n'y paraîtra plus. Tu peux nous laisser. ajouta-t-elle avec un coup d'œil négligent pour Ophélie. « Je t'accorde ton repos pour la journée. » Ophélie se remit en mouvement comme dans un songe. Un gendarme lui retira ses menottes, un autre lui ouvrit la porte. Elle sortit dans le couloir, fit quelques pas au hasard, se répétant encore et encore que c'était fini, qu'elle était vivante, puis ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle se serait étendue de tout son long si une main secourable ne l'avait retenue à temps. « Cher payé, c'est sablier, hein ?» C'était Renard. Il avait attendu devant le cabinet pour être là à sa sortie. Ophélie s'en sentit si reconnaissante que l'émotion lui piquait les yeux. « J'ai pas été très glorieux, » ajouta-t-il avec un sourire gêné. « Sans rancune, gamin !» Ophélie acquiesça de tout son cœur. « Sans rancune !»